Louper le train, louper le coche, jamais je freine. Gain dans les mains, Dieu dans le cœur, remplis le Goya. Parfois je vis, demain je meurs, personne me sauvera. J'suis sur le pont, contre de keufs, donc j'y vais maintenant. Louper le train, louper le coche, jamais je freine. Gain dans les mains, Dieu dans le cœur, remplis le Goya. Parfois je vis, demain je meurs, demain je meurs. Demain j'attache car un nom comme un mic. Tous les week-ends j'fly. Bienvenue à Sauce Paradise. J'vois ces niggas s'inventer des lives. Elle met jamais de la coke en détail. Elle est Dieu qui déraille. Et ma maman en perd les pédales. Je parle avec moi Henny les night. Hey. Il rageant encore et encore et encore et encore je sais. Mais on mangera encore et encore et encore et encore je sais. Coupe les bruits dans la trap house. Pour tes lèvres à la mama house. Et ta life s'en bat la race. Il se passe des choses dans ma life. J'suis sur le coin, contre le coeur, donc j'y vais maintenant. Louper le train, louper le coche, jamais je fais non. Gain dans les mains, Dieu dans le cœur, remplis le Goya. Parfois je vis, demain je meurs, personne me sauvera. J'suis sur le coin, contre le coeur, donc j'y vais maintenant. Louper le train, louper le coche, jamais je fais non. Gain dans les mains, Dieu dans le cœur, remplis le Goya. Parfois je vis, demain je meurs. J'envoie des tonnes, y'en est énorme. J'rends dans les charts, si tu rentres dans les normes. Mais j'fais qu'un CV, j'veux compter des sommes. Si elle est bonne, c'est que sa maman est bonne. DVS tellement je shine. DTS tellement je slide. Tous les week-ends j'fly. Bienvenue à Sauce Paradise. Hey. J'fais plus la peine au mot. J'suis dans la benzo auto. Tu fais que parler de trop. On vit cette life en speed. Niggas ne prennent pas de risque. Business level comme le fisc. Gain dans les mains, Dieu dans le cœur, remplis le Goya. Parfois je vis, demain je meurs.